garder le front. La vérité de nos sons, rimes, sons, frissons. J'apprends à garder le front. Faut mériter d'avoir les torts de ces grands hommes, ces profs qui ont longtemps gardé le front. Si pour riper, on est prêt tous les jours. On s'entraîne dur, dur à garder le front. On en a marre des conquis, on en terrain conquis. Amnésique mais rancunier, on amnésique. Je garde le front armé, électro comme quantique. Mon discours authentique, pourquoi tant de flics aiment la discorde. Dans nos rues ça se corse cru. Moi méga sport pour les loaves du méga store mauve. ML crème pauvre, guerre de l'aube. Je fais face au taupe, néfaste constante. La thèse attise la presse, tu pompes le satis. Conteste nos faits, qu'on fait à fond. Sans se morfondre sur notre sort, c'est formel. Trop de bandits de port, cernère, nos portes sphères. Front fer devant les renforts, les avances prospèrent. La perte renfort sur terre fort où tu perds. Mon souhait de mourir au front, trouer le front de la FN. Virer de la scène et de la FN, les faux MC, mon extrême affront. Mon open définit riche, nullement d'opac, car copain façon. Garder le front, la vérité de nos sons, rimes, sons, frissons. J'apprends à garder le front. Faut mériter d'avoir les torts de ces grands hommes, ces profs qui ont longtemps gardé le front. Si pour riper, on est prêt tous les jours. On s'entraîne dur, dur à garder le front. On en a marre des conquis, on en terrain conquis. Compte-t-ils garder le front? Je suis armé contre la misère, néfaste, fragile coup de hache, va pas tarder. Art de rue, art dur, je peux pas larguer. Ma plume, c'est ma thune, je peux pas blaguer. Naviguer dans les eaux troubles, retrousser mes manches, me battre. Je dois rester debout, même si je mange une balle. Fier de mes ancêtres, la manière dont on enseigne. Le respect des anciens nous fera grailler dans l'assiette. 7 jours sur 7 de ma vie, je suis le chef. J'ai trouvé ce que je cherchais très loin de ce qu'on achète. La sieste ou l'amnésthésie. Dans la souffrance, je prends asile parmi les fous. Les amoureux de la zig zen. Dans l'étranger, l'oxygène est rare. La dèche en général nous fait chantonner la rage de l'esclave noir. La vie fait pas le moine, alors fais pas le malin. Coute sur un dans la moelle épinière. La mort en câlin, parle-lui si tu arrives. Ou sinon, laisse-toi faire. Les flammes de l'enfer planent au-dessus de nos têtes dorées. Gardez le front. La vérité de nos sons, rimes, sons, frissons. J'apprends à garder le front. Faut mériter d'avoir les torts de ces grands hommes, ces profs qui ont longtemps gardé le front. Si pour riper, on est prêt tous les jours. On s'entraîne dur, dur à garder le front. On en a marre des conquis, on en terrain conquis. Compte-t-il garder le front? Tous les jours je me dois de garder le front. De garder la foi, de garder la foi. Le jour de la voix, perdre le front. Changer de voix. Dans l'amour et la joie, je peux garder, garder, garder mes voix. Décharger ma haine, supporter ma croix. Décharger ma paix, ce dont il croit. La vérité de nos sons, rimes, sons, frissons. J'apprends à garder le front. Faut mériter d'avoir les torts de ces grands hommes, ces profs qui ont longtemps gardé le front. Si pour riper, on est prêt tous les jours. On s'entraîne dur, dur à garder le front. On en a marre des conquis, on en terrain conquis. Compte-t-il garder le front?